Alors bonsoir et bienvenue à l'émission Chérimi Coutu. Alors ce soir, on vous introduit sur une musique qui fait exception à la règle. On a laissé tomber la formation de Go Team pour la pièce d'ouverture parce que ce soir, je suis en compagnie d'une invitée très particulière qui s'appelle Rosine Catherine Jodoin, qui est une de mes amies. Et en fait, ce soir, on a décidé de vous faire un spécial de musique suisse. Alors tout d'abord, bonsoir Rosine. Allô. Ça va? Mais oui, toi! Oui! Alors, on vous fait un spécial suisse, car ce que je dois dire, c'est que Rosine habite déjà en Suisse depuis 9 mois, puis tu étais déjà allée l'année oui, précédente. Oui, c'est ma deuxième visite en Suisse, mais c'est temporaire, mais c'est assez plaisant. Alors, tu n'as toujours pas décidé d'aller vivre là? Non! Ma grande chance! Oui, à ta chance! À ma grande joie! À moi aussi! Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui jouait? Qu'est-ce qu'on entend, là, en arrière de nous, ces belles mélodies montagneuses? Le yodel, en fait, mais c'est un, je pense que c'est une musique folklorique à la base qui est née dans les Alpes. Puis, c'est aussi comparable au Tyrol, mais aux Tyroliennes. À la Tyrolienne? Oui, à la Tyrolienne de l'Autriche. Puis, le yodel, comme là, la pièce que j'ai mise, je suis un peu traître, là, c'est une pièce plus allemande que suisse. Mm-hmm. Mais je pense que c'est quoi, c'est en Autriche aussi? Je sais pas, moi, dans ma tête, le yodel, là, c'est partout, dans tous les pays qui ont des petites bretelles avec une petite veste blanche puis des petites shorts noirs, là, puis ils dansent avec des petits sabots. Puis un peu en Suisse, un peu en Allemagne, un peu en Autriche, puis je dirais peut-être même au nord de l'Italie, mais je suis pas certaine. Comme à la frontière suisse-italienne, parce que... Là où il y a les Alpes, ouais. En fait, je dois dire que je suis allée rendre visite à Rosine cet été en Suisse pendant une semaine, et on est allé au col du Grand Saint-Bernard, qui est à la limite entre la Suisse et l'Italie, et on a même croisé un homme qui yodelait, ça se dit-tu, du verbe yodeler? Ben, disons-le, là, pour cette fois-ci, mais c'était beau, le chant dans les Alpes, avec l'écho qui résonne. Toujours très pittoresque. Oui, exactement. Alors, sous ces belles anecdotes suisses, nous allons enchaîner en musique. Et je crois que la première chanson, Rosine, c'est un de tes coups de cœur particuliers. Certain. En plus, elle a bercé mon enfance. C'est une chanson de 1991. Stéphane Escher, Déjeuner en paix. Alors, on va écouter ça sans plus tarder sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je regarde sous la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Vois-tu qu'il va neiger, me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son je le permets. Déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. We'll be right back. Alors, on vient d'entendre la formation Yellow avec la pièce Oh Yeah que vous avez probablement entendu déjà dans plusieurs émissions. Et c'était tiré de l'album Stella, paru en 1985. Donc, c'était leur quatrième album. Tout juste avant, on avait Patrick Juvet avec la pièce Où sont les femmes de son album Paris by Night, paru en 1977. Et au début du bloc, on avait Stéphane Escher avec la pièce Déjeuner en paix de son album Engelberg, qui est aussi une ville suisse, et cet album-là est paru en 1991. Et ce sont tous des artistes suisses. Eh oui, on le savait pas trop, hein? Moi, Patrick Juvet, j'ai découvert ça cet été, et j'ai tellement ri quand j'ai su qu'il était suisse. Mais en même temps, j'étais fière, parce que c'est vraiment une bonne chanson. Alors, c'était une très bonne chanson, en effet. Un peu pop, hein? On peut dire pop. Ah, mais oui, mais ça rend heureux. Et on a tous entendu ça sur des radios un peu plus douces, hein? Ben oui. Des compétiteurs à la musique un peu plus douce, là, les dimanches soirs. Il me semble que c'est toutes des pièces qu'on a entendues pour Stéphane Escher, je veux dire, et Patrick Juvet. Oui. Mais Yellow, ça, je dois dire que c'est une découverte parce que je savais pas du tout que c'était suisse. Oui. Ouais, exactement. Ils ont pris cette pièce-là pour, entre autres, introduire Doffman dans la série animée Les Simpsons. Et sans plus tarder, on va s'en aller dans un bloc qu'on appellerait de quelle façon? Ben, la Suisse étant au centre de l'Europe, j'ai beaucoup voyagé quand même. Ben, beaucoup. Non, soyons modestes. Mais j'ai été voir, je suis allée voir plutôt, le dernier spectacle de la formation de Chemical Brothers, le 30 août dernier. Et puis, ça c'est... pour mon copain, justement, c'est sa meilleure chanson. Alors, j'aimerais qu'on l'écoute, c'est « Hey Boy, Hey Girl ». Alors, on écoute ça sur les ondes de Sifu, 89.1 FM. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Here we go! Hey girls, hey boys, La formation Omnicron avec la pièce Pour te réchauffer de leur album 24 pouces glacés. C'est en fait une pièce là en collaboration avec TTC, formation française, et Ghislain Poirier qui a fait la musique de cette pièce-là. Et cet album-là est paru en 2006. Et non, ce n'est pas une formation suisse. Omnicron, on s'en doute, là, mais ça fait toujours du bien un peu d'écouter Omnicron, surtout qu'il a été testé, c'est des Français. Puis je voulais faire le lien aussi juste à la tune électro qu'on a écoutée juste avant, c'est Broninski, un DJ français de son mini-album Bad Runner. La chanson s'intitule Bad Runner aussi, 2007. Je voulais seulement dire que En Suisse, on écoute beaucoup d'électro, la minimale, et c'est vraiment très, très punchy, et on est heureux. On est heureux. Puis au début du bloc, on avait la formation de Chemical Brothers avec la pièce Hey Boy, Hey Girl de leur album Surrender, qui est en fait leur troisième album paru en 1999. Et comme tu disais, je crois, je sais pas si tu l'as dit avant le début du bloc, que tu es allé voir les voir en spectacle à Londres. Oui, leur dernier spectacle à vie, entre guillemets, en italique, on sait pas encore. On espère qu'ils vont venir, c'est sûr, mais c'était géant. Alors, jusqu'à présent, c'était leur dernier spectacle. Ben oui. Sauf sur avis contraire. Ouais, ben, ils vont revenir sûrement, là, quand même, les Chemical Brothers. On va souhaiter ça. Ils vont faire un retour en force. Oui. Alors, sur ces belles paroles, nous allons nous quitter le temps d'une courte pause et au retour, on aura le droit, encore une fois, à un bloc plutôt rock électro avec des formations, cette fois-ci, toutes suisses. Alors, on écoute ça au retour. À Chérie, m'écoutes-tu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Zet, assez fou. Take a step to the left. Take a step to the right. Smash your head. Mike Willi, Schluss mit Feedbacks, nur pure Begeisterung. In den Gesichtern von den Leuten, die mir als Zeichen bleibt. Und was auch immer wird passieren, es bleiben Mike und ich. Gib mir ein Mike, das Mike Willi. Schluss mit Feedbacks, nur pure Begeisterung. In den Gesichtern von den Leuten, die mir als Zeichen bleibt. Und was auch immer wird passieren, es bleiben Mike und ich. Zeit, das sind Vergangenheit, wo uns keiner kennt hat. Auf dem Regierungsplatz in Kuh, Freestyle, Tempack. Ziel sind noch die gleichen. Vierer lernen, reifen, Rap, revolutionieren und nach ihren Sternen greifen. Sie blenden und glänzen, doch sie Texten schwach sind. Die meisten machen heiße Luft wie ein F-18. Kollege, du hast nicht gelernt, doch deine Raps sind Pädagogik. Die Wiederholung, für Wiederholung, für Wiederholung, für Wiederholung. So nicht. Ohne Herz ist Hip-Hop ohne Logik. Geben wir ein Mikrofon, ich gebe euch seine Vertonung. Next mic. Ich bin dir immer treu wie tausend Gegenüber. Auch ich komm vor, dass wir uns nicht verstehen. Dann legen wir eine Pause ein. Spürt Energie zwischen uns, machen die Augen zu. Was wir uns blind verstehen, hat mit Liebe und Vertrauen zu tun. Suchen Hand in Hand von Konzert zu Konzert. Ein Herz und eine Seele und ein Herz sind immer gleicher Meinung. Du hast nie etwas aussetzen. Sagst das Gleiche wie ich und lass dir nichts aufschwätzen. Ich und mein Mike und ich sorgen für Begeisterung. Ich und mein Mike und ich, weil das Breitbild ist. Next date, next place. Next Mike, Mike, Mike, Mike. Gib mir ein Mike, das Mike will ich. Schluss mit Feedbacks, nur pure Begeisterung. In den Gesichtern von den Leuten, die mir als Zeichen bleibt. Und was auch immer wird passieren, es bleiben Mike und ich. Gib mir ein Mike, das Mike will ich. Schluss mit Feedbacks, nur pure Begeisterung. In den Gesichtern von den Leuten, die mir als Zeichen bleibt. Und was auch immer wird passieren, es bleiben Mike und ich. Slow down. Gib mir ein Kick und ein Snare, ein Sample Mic und ein Vers. Alles andere ist überflüssig, wenn der Schweiz Militär. Und seit dem 19.09 mit den Läufen 16.09 aus dem Räumli auf Bühne. Und vor Bühne zurück ins Räumli auf der Suche nach dem dicken Scheiß. Egal ob Schurkabel los oder Fischerpreis. Ich nehm das Mic, muss nicht vor Millionen rappen. Sag ja Bingo zahlen am nächsten Seniorentreffen. Hauptsache Skills kommen dazu und Zweifel verlöhnt uns. Hauptsache ihr gehört mich und wir verstehen uns. Uns zwei verbinden nur das Kabel, nein, ich weiß, es ist mehr. Das Mike ist oftmals Grund für tagelange Heiserkeit gewesen. Uns zwei verbinden nur eine Musik, es bleibt stets objektiv. Es wandern nur Frequenzen um und der Rest ist ein gleich. Uns zwei verbinden nur ein Aufgabe, Team von Sender und Sprache. So erreichen wir zusammen Menschen und sie strahlen wie Phosphor. Uns verbindet das Gefühl und das ist Liebe zum Ganzen. So verbinden wir Leute mit unseren Lieder und Gesangspacks. Sind wir bereit für Breitbild, bereit für Breitbild. United am Mike mit den heißesten Rhymes. Next Mike, next Mike, next Mike. Gib mir ein Mike, das Mike will ich. Schluss mit Feedbacks, nur pure Begeisterung. In den Gesichtern von den Leuten, die mir ein Zeichen bleibt. Und was auch immer wird passieren, es bleiben Mike und ich. Gib mir ein Mike, das Mike will ich. Schluss mit Feedbacks, nur pure Begeisterung. In den Gesichtern von den Leuten, die mir ein Zeichen bleibt. Und was auch immer wird passieren, es bleiben Mike und ich. Gib mir ein Mike, das Mike will ich. Schluss mit Feedbacks, nur pure Begeisterung. In den Gesichtern von den Leuten, die mir ein Zeichen bleibt. Und was auch immer wird passieren, es bleiben Mike und ich. Gib mir ein Mike, das Mike will ich. Schluss mit Feedbacks, nur pure Begeisterung. In den Gesichtern von den Leuten, die mir ein Zeichen bleibt. Und was auch immer wird passieren, es bleiben Mike und ich. Oh. d'entendre Larita avec Bausch Amp. C'est un groupe que j'ai découvert à la Superette, un festival électro-alternatif rock à Neuchâtel en Suisse. Et puis, c'était vraiment un excellent moment. Vraiment, en tout cas, moi, c'est ma découverte, je pense, de 2008. Et juste avant, on avait Bright Build avec Gamer das Mike. C'est en Suisse-Allemand. Je ne sais pas si vous avez reconnu la langue, parce qu'en Suisse, ils ont 4 langues officielles. Le suisse-allemand, le français, l'italien et le romanche. Le romanche, il y a très peu de gens qui parlent ça, mais le suisse-allemand, c'est, je pense, 3 millions de Suisses qui parlent le suisse-allemand et ça sonne vraiment bien dans mes oreilles. Genre, ça, c'est... Je sais pas, il y a plein de rythmes. Et puis, au début du bloc, on avait Reverend Beatman avec la chanson « Jesus Christ Twist ». Et ça aussi, c'est mon copain qui est suisse qui m'a fait découvrir cette chanson-là. Et moi, j'adore ça. C'est genre rockabilly un peu... hardcore, mais blasphématoire, ironie chrétienne. Ouais, faut dire, c'est quand même un personnage vraiment, je sais pas, il rit un peu de la religion. Et puis, c'est un extrémiste avec des paroles explicites, mais... Ouais, des paroles entièrement explicites sur cet album-là qui s'appelle Surreal Folk Blues. Et ouais, en fait, c'est ça, c'est la parole, les paroles sont toutes... explicite, mais on aime ça, ça fait changement. Je pense que c'est la première fois que je mets des paroles explicites à l'émission, alors avis aux oreilles. Puis du suisse-allemand aussi. Oui, en plus du suisse-allemand. Mais mon coup de cœur de ce bloc-là, c'est vraiment Larita. Je trouve ça vraiment excellent. Merci, Rosine Catherine, de m'avoir fait découvrir cela. Fait plaisir. Et en même temps, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez consulter les pièces qui ont passé à l'émission, car tout de suite après l'émission, je vais mettre la liste des pièces qui ont joué ce soir au www.myspace.com/c'est fou chérie, C-F-O-U-C-H-E-R-I, sans accent. Alors, ça va être disponible dès ce soir. Moi et Rosine Catherine, on va mettre ça sans faute. Des belles découvertes. Ouais, exact. Yeah. Et on revient du côté du Québec pour le prochain bloc. Oui. Ah oui, le Québec. Ben oui, parce que justement, j'ai réalisé que la musique, ça avait tellement d'importance. Ben ça, je l'avais réalisé avant, mais il y avait 4 chansons qui me faisaient tellement chaud au cœur quand j'étais loin. C'est bon écouter du Suisse, mais ça fait tellement du bien écouter du Québécois. Alors, oui. J'aimerais ça qu'on écoute les 3 accords avec ton avion. C'est symbolique. D'accord, comme tu veux. Alors, je te mets ça tout de suite sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Tu pars. lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind, I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy, d'un père militaire et d'une belle fille qui fut sa mère, qui écoutait du country entre deux caisses de bière et partait le samedi pour un lac d'Oxbury rejoindre la grand-mère, un autre family, un autre family. Oh, je ne peux vivre sans toi et je ne peux vivre avec toi, mais tu peux très bien vivre sans moi, je suis foutu dans les deux cas. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Coup de fil de Jamie qui un jour tomba pour une fille d'Ottawa, quand dit je ne sais pas, d'un père pilote de l'air et d'une mère je ne sais quoi, tous deux aimaient le cinéma. Nous sommes habitants de la terre, il y a des milliers de frontières, quelqu'un existe dans l'univers, pour quelqu'un d'autre et c'est la guerre. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandi à Sainte-Foy et qui un jour tomba pour un chanteur populaire, grandi en Algérie, à ses époques et merci, et qui lui dit adieu, je repars faire ma vie à Oxbury, à Oxbury, à Oxbury, à Oxbury. I lost my baby, I lost my darling, I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind, I lost my darling, I lost my friends, I lost my baby. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver. Des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. À Montréal, écoutez le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver, sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver. On vient d'entendre Robert Charlebois avec la pièce « Je reviendrai à Montréal » tirée de son album « Longue distance » paru en 1976. Tout juste avant, on avait Jean Leloup avec la pièce « I lost my baby » de l'album « Le Dôme » paru en 1996. Et pour commencer ce bloc francophone québécois, nous avions les trois accords avec la pièce « Ton avion » de leur dernier album, si je ne me trompe pas, « Grand champion international de course » paru en septembre 2006. Oui, mais c'est moi qui ai choisi les trois chansons parce que c'est des chansons qui parlent de voyage, de revenir à Montréal, de prendre l'avion, d'amour à distance. Alors, c'est des chansons québécoises, mais ça, elles sont dans ma vie quotidienne, en fait, en Suisse, parce que j'ai encore mon cœur ici, mais j'ai une partie de mon cœur qui est aussi là-bas. Alors, c'est ça que je voulais dire. C'est beau. Oui, c'est beau. Moi, je suis bouche bée et suspendue à tes lèvres. Non. Non, mais c'est vrai, tu sais, quand je t'écoute parler, dans le fond, de... Tu sais, quand t'es en Suisse, c'est pas toi qui prends l'initiative d'écouter ça. T'entendras pas ça à la radio ou ailleurs. Puis c'est pas les autres dans d'autres contextes. Tu vas pas entrer chez un ami puis « Ah, tiens donc, il écoute Jean Leloup. » Non, il faut que tu inities la chose. De plus en plus, par exemple, parce que j'ai fait découvrir Jean Leloup, Omnichrome, mais ce que les Suisses préfèrent, c'est vraiment Normand Lamour. Ah, d'ailleurs, on a un extrait ici. Peut-être, en fait, ça serait peut-être une très bonne idée de terminer l'émission là-dessus. Parce qu'en fait, on voulait passer là, une pièce, on peut le dire, là, c'est parce qu'on a une pièce de Radiohead qu'on apprécie particulièrement, qui est « I might be wrong ». I might be wrong. Et, oui, quand même, Sophie. Oui, écoute. I might be wrong. Rosine me donne des cours d'anglais aussi en dehors des heures de studio. Donc, tout ça pour dire que cette pièce-là est un peu trop longue, mais comme tu parles de Normand Lamour, j'aimerais un peu que tu expliques quelle pièce tu as fait entendre aux gens. Ah oui, mais on était dans une fête un soir, puis on a décidé de mettre un achigan à petite bouche, mais le remix qui vient de l'album Disco Norm. Et oui, la chanson qui a joué à New York, en Italie, à Milan, partout, c'est toujours une bonne chanson. Sauf que présentement, on va écouter Normand Lamour, Toute noire. Et heureusement pour les auditeurs, on la fera pas jouer au complet, car juste elle dure quand même un bon 6 minutes 30. 6 minutes, c'est vraiment, vraiment, vraiment pertinent de toute manière, sauf que... Oui, c'est ça, c'est 6 minutes et demie d'atrocité. Je m'excuse. Non, mais je devrais pas dire ça d'un coup que Normand. Ouais. Non, pas Normand. Vas-y, lance Toute noire. Et là, alors, c'est ça. Alors, pour conclure, juste remercier Rosine Catherine d'avoir été en studio avec moi. Je suis vraiment heureuse. Merci beaucoup. Oui. Puis, donc, c'est ce qui termine l'émission Chérie m'écoute-tu. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter la page MySpace de l'émission, soit le www.myspace.com/. C'est fou, chérie, pour consulter la liste des pièces qui ont joué à l'émission ce soir. Et également, pour les fans de Facebook, vous pouvez ajouter le groupe si vous voulez avoir les dernières primeurs et les nouvelles toutes fraîches de Chérie m'écoute-tu. Alors, merci encore, Rosine, et on écoute... Toute noire. Brique. Toute noire, toute noire, cheveux frisés, noire, tout noir, noir, noir, noir, noir, noir, dans le soir, au clair de la lune, le blanc de ses yeux brillait, au reflet de la lumière, du clair, de la lune était claire, la lune était claire. Oh, quelle belle affaire, oh, quelle belle affaire. Elle était là, elle était là, elle était là, elle était là. Avec sa jupe de paille, elle était là, elle était là. Elle regardait là, vers le ciel, et elle chantait. I just come on with my cookie cash, which when I from schooling in the shooting in your wild man, this why I, why is for sweet Et à mi-oche, colle, elle était nu-pied, son gros artère.